bi nak moy comme genre lebu tuba yoy rek xam nga namu outélé kuy daanu 10e étage ak kuy daanu 1er étage kuy daanu 10e étage mom buy daanu da nan ah boum daanu na ay kuy daanu 10 kuy daanu 1er étage koku da nan boum ah